Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Quatrième épisode. Le groupe des internationaux de la colonne de routiers. Antonio Jiménez est sur le front d'Aragon, où il a subi la première épreuve du feu. La création de sections internationales au sein des colonnes réparties sur le front d'Aragon, bien avant l'arrivée des brigades internationales en octobre 1936, est un des éléments de réponse du prolétariat européen et américain. De nombreux antifascistes étrangers, allemands et italiens surtout, se trouvent déjà à Barcelone en juillet, soit en tant que réfugiés, soit pour participer aux Olympiades du Travail, organisées en contrepoint aux Jeux Olympiques de Berlin. Mais cette solidarité impliquée reste essentiellement individuelle. Aucun dirigeant du prolétariat international n'appelle à la grève pour empêcher l'asphyxie dont est victime la Révolution espagnole. On ne dira jamais assez comment le Front populaire français a saboté les efforts de son homologue espagnol pour repousser le déferlement des troupes factieuses aidées par l'Italie et l'Allemagne. Le 19 juillet, le gouvernement Giral envoie un télégramme à Blum. Surpris par dangereux coups d'État militaires, vous demandons de nous aider immédiatement par armes et avions, fraternellement, votre. Blum y répond favorablement, puis se soumet à la pression anglaise. Dès le 27 juillet, avant même que la non-intervention ne soit déclarée, la France bloque à sa frontière les armes achetées et payées par la République espagnole. Début août, Londres et Paris font pression sur le gouvernement de Madrid pour qu'il évacue la rade de Tanger. La voie étant libre, les premiers contingents massifs de Marocains, enrôlés souvent de force par Franco, débarquent au sud de l'Espagne. Tout contribue à précipiter la chute des villes du Nord, où les troupes de Franco vont massacrer la population ouvrière. De leur côté, Hitler et Mussolini envoient rapidement à Franco armes, avions, bateaux de guerre et troupes. Quant à l'État soviétique, cette révolution est un acte inopportun qui dérange son jeu diplomatique, fait de rapprochement avec les démocraties bourgeoises. Mais surtout, ce qui se passe en Catalogne et en Aragon lui échappe totalement. Et l'oblige à révéler sa vraie nature de patrie de la contre-révolution. Il suffit de lire l'article édifiant d'André Marty, un des secrétaires du Comintern, rédigé en août 1936, et qui se termine ainsi. Dans un pays comme l'Espagne, la classe ouvrière et tout le peuple ont comme seule tâche possible, non pas de réaliser la révolution socialiste, mais de défendre et de consolider la révolution bourgeoise démocratique. La stratégie du grand camouflage, avec sa cohorte de calomnies et d'assassinats, est en route. Sur le plan national, en août 1936, les positions du front se stabilisent. Les milices ne manquent pas d'hommes, mais en 2 semaines de guerre, les munitions sont épuisées et non renouvelées. À l'arrière, les républicains, de plus en plus dans l'orbite des staliniens du Parti communiste espagnol, tentent de réoccuper les postes qu'ils avaient abandonnés, n'hésitant pas à saboter et freiner ce qui fonctionne sans eux. Le 4 septembre 1936, le nouveau président du Conseil et ministre de la Guerre, Largo Caballero, qui a vite oublié ses accents révolutionnaires de l'été, constitue un nouveau gouvernement central à majorité socialiste, avec participation des communistes. Au programme, en finir avec le pouvoir ouvrier, nationaliser l'industrie de guerre et rétablir la petite propriété privée. C'est à cette époque qu'arriva un groupe d'étrangers, à Pina. Il était composé de Français et d'Italiens. Leur chef, Bertomieu, était un officier de l'armée coloniale française, en rupture de ban. habitué à toutes les ruses de la guérilla. Il était accompagné de deux Français, Riedel et Carpentier, tous deux prénommés Charles, d'un Savoyard à Finenghi. Je ne me suis jamais soucié de savoir s'il était italien ou français, car il parlait indifféremment les deux langues. D'un italien, Scolari, et d'un espagnol, petit de taille, Lacaille. J'ai oublié le nom des quelques autres qui étaient là aussi. Le lendemain de leur arrivée, je m'intégrai au groupe. Les habitants accueillirent avec curiosité ces gens qui parlaient des idiomes incompréhensibles pour eux. Mis à part Berthomieu et Lacaille, personne ne parlait espagnol. On se méfiait un peu, mais cela ne dura que quelques jours. Les troupeaux de brebis appartenant aux paysans de Pina se trouvaient de l'autre côté du fleuve, le jour où nous occupâmes la ville, et ils y étaient restés. Nous les voyions tous les jours venir paître à 2 ou 3 kilomètres de la rive d'en face. L'eau était basse, et en aval de Pina, il y avait un gué qui nous permettait de passer l'Èbre et d'aller nous promener en patrouille, de façon à reconnaître le terrain en prévision d'une avance. Le passage du fleuve et les patrouilles étaient des idées de Louis. Toutes les nuits, il s'agissait pour 4 d'entre nous, à tour de rôle, de franchir les gués. 2 restaient sur la berge pour couvrir ceux qui furetaient vers l'intérieur. Les autres montaient la garde, prêts à épauler la patrouille en cas de pépin. Un matin où je venais juste d'entamer le dernier quart de veille, l'inquiétude monta. Car habituellement, les hommes rentraient bien avant l'aube. Le jour pointait. J'étais sur la plus haute branche d'un peuplier. Je m'étais hissé très haut, pour voir le plus loin possible. Et soudain, mon attention fut attirée par un petit nuage qui semblait s'élever du sol. Je pris les jumelles. « Merde, qu'est-ce que c'est ?» Je dégringolai de l'arbre et réveillai Berthomieu. « Louis, je crois que j'ai des visions. » Il me suivit sur mon perchoir. Je n'avais pas eu de vision. C'était bien un troupeau de moutons qui avançait dans la plaine, vers le fleuve. 4 hommes, un de chaque côté du troupeau, et 2 derrière, couraient et gesticulaient en criant. Afinenghi et Scolari avaient découvert l'enclos où les bêtes passaient la nuit. Afinenghi avait d'abord poignardé l'homme de garde, puis son camarade qui dormait. Ils appartenaient tous deux à la Guardia Civile. Les bergers reposaient à l'intérieur de la basse-cour. Scolari les avait persuadés de conduire le troupeau à Pina. On remit le bétail à la collectivité, et les bergers retrouvèrent leur famille. Mes collègues, dès lors, furent l'objet de l'attention de tout le monde, car chacun voulait savoir comment les choses s'étaient passées. Pour ma part, comme ni l'un ni l'autre ne parlait espagnol, je fus obligé de servir d'interprète. Scolari venait de Toulon, où il travaillait, à ce qu'il m'en dit, à l'arsenal. Il était un pacifiste, partisan de la non-violence, et il ne portait jamais d'armes. Il était venu en Espagne non pas pour se battre, mais pour être témoin d'une lutte qui l'intéressait au plus haut point pour sa réforme sociale. Il avait du courage, mais celui-ci ne lui servait pas pour tuer. Quand un blessé avait besoin qu'on aille le chercher sous les balles, il en oubliait le danger. Je l'ai vu une fois aller chercher un blessé sous les feux d'une mitrailleuse. Les balles sifflaient de tous les côtés, c'était un vrai feu d'enfer. L'ennemi, qui nous dominait du sommet d'une colline, avait stoppé notre attaque, nous obligeant à regagner notre position de départ. L'homme tomba à 100 de mètres de notre tranchée. Scolari, torse nu, sauta le parapet et se mit à courir vers le blessé. Son geste fou surprit tout le monde, même nos adversaires, qui arrêtèrent leur tir subitement et ne le reprirent que lorsque Scolari fut à l'abri dans notre camp. Afinenghi, montagnard, paysan et bûcheron des Alpes, aimait la chasse, la lutte et toute activité violente ou dangereuse. Il était grand, 1m80 environ, large d'épaule, fort comme un bœuf. Courageux ? Je me demande encore aujourd'hui si l'on peut dire de quelqu'un qu'il est courageux quand celui-ci ne connaît pas le danger. Les missions que je l'ai vu accomplir ont été terminées avec une chance inouïe, sans une égratignure, sauf la dernière, au cours de laquelle il fut blessé. Mais cela aussi fut une chance pour lui, car la blessure était légère et il fut évacué. Cela lui sauva peut-être la vie. Ce groupe cosmopolite grossissait de jour en jour. Riedel et Carpentier, de retour d'un voyage à Barcelone, arrivèrent accompagnés d'une jeune femme, aux longs cheveux noirs. J'appris par la suite qu'elle s'appelait Simone Veil et qu'elle se disait syndicaliste. Petit à petit, notre unité prenait de l'importance Les volontaires affluaient, français, italiens, allemands, russes, cubains, et même un Algérien, Ben Salah. Lorsque la colonne d'Urruti avait quitté Barcelone, elle avait traîné avec elle presque toutes les prostituées de Catalogne. Les maladies vénériennes faisaient des ravages dans les rangs des centuries. Gori, comme nous appelions d'Urruti entre nous, fit retirer toutes les filles, sauf celles qui avaient suivi leurs compagnons et dont la conduite était irréprochable. Mais même parmi celles restantes, beaucoup quittèrent le front pour aller travailler à l'arrière. Notre groupe fut bientôt le seul à Pina à comporter des membres du sexe féminin. 6 femmes s'occupaient de l'infirmerie et de la cuisine. Marthe, Madeleine, Simone, Augusta, Mimosa et Rosaria. 2 d'entre elles, Marthe et Madeleine, vivaient en ménage, respectivement avec Pierre et Hans. À l'exception de Simone Veil, qui rentra en France, toutes les autres restèrent en Espagne pour toujours. Marthe, Mimosa et Augusta tombèrent à Perdiguera. Nous passions notre temps à nous entraîner à ramper, à avancer sans bruit au travers des broussailles, à lancer des grenades, à tirer au pistolet et au fusil. Nous étions organisés en groupe d'assaut, de commando comme on dit aujourd'hui, totalement indépendants. Le capitaine Berthomieu était très à cheval sur le chapitre de la tenue en ville et sur le comportement des hommes dans le contexte de la guerre. Un matin, au rapport, 2 hommes étaient absents. Où pouvaient-ils bien être ? Il n'y avait pas eu de patrouille la nuit précédente, et de toute façon ce n'était pas leur tour. On fit des recherches en ville, personne ne les avait vus. Vers 10 heures, ils rappliquèrent, contents comme des gosses qui en ont fait une bien bonne, et qui se sont bien amusés. Il n'était pas obligatoire d'être présent à l'appel, mais il était tacitement admis que quiconque pouvait être appelé à n'importe quel moment du jour, ou de la nuit, pour une action quelconque. Et le PC devait savoir où nous joindre. Ils s'excusèrent auprès des copains et de Louis, car, dirent-ils, ils avaient été pris de court, ayant décidé au dernier moment de participer comme volontaires à l'exécution des prisonniers que nous avions faits au cours d'une patrouille précédente. Dans les premiers mois de la guerre, aucune des deux parties ne faisait de prisonniers. Ceux qui se rendaient étaient fusillés à plus ou moins brève échéance. Louis se mit en colère, la mâchoire crispée. Il marchait de long en large, dans la pièce qui lui servait de bureau, et de chambre à coucher. Puis il gueula. « Rassemblement général, lit en vitesse !» Une demi-heure après, on était tous devant le PC, et Louis prit la parole. « Camarades, nous sommes venus de tous les pays du monde nous battre pour une cause juste et humaine. Nous nous battons, mais nous n'assassinons pas. Je ne veux pas que l'on puisse dire demain que le groupe international dirigé par Louis Berthomieu était une unité de bourreaux. 2 d'entre vous ont fait volontairement partie du peloton d'exécution qui a fusillé les prisonniers que nous avons faits. Si vous êtes d'accord avec eux, dites-le-moi, je partirai. Sinon, je vous demande de les exclure du groupe. À vous d'en décider. » Nous votâmes l'exclusion à l'unanimité, après avoir longuement discuté sur le droit que nous pouvions avoir de leur interdire ce qu'ils avaient fait, puisque tel était leur bon plaisir. Nous trouvâmes un terrain d'entente, en reconnaissant que nous avions le droit de vivre et de mourir avec des gens qui partageaient notre façon de voir et de juger les actes de la vie. Charles Ridel, Charles Carpentier et Simone Veil, évoqués par Antonio, ont fait connaître leur expérience sur le front dès leur retour en France. Ils s'exprimèrent notamment sur leur propre appréhension de l'usage de la violence révolutionnaire, la fin ne justifiant pas les moyens à leurs yeux. Dans les années qui suivirent, une polémique naquit sur d'éternelles et compréhensibles questions d'éthique révolutionnaire. Thank you. Il y avait, de l'autre côté de l'Èbre, une ferme, dont les habitants étaient venus se réfugier à Pina. La famille était composée du père, de la mère, d'un fils de 18 ans environ, et d'une fille de 16 ans, qui, comme cela arrivait très souvent dans les familles paysannes, avait été placée depuis 3 ou 4 ans dans un village des environs, pour servir de bonne dans une riche famille. Un jour, on aperçut la cheminée fumée. Manuel, le fils, nous dit que ses parents pensaient que Conchita, sa sœur, était rentrée à la maison. Bertomieu me demanda si je voulais aller voir ce qui se passait. Manuel aurait bien voulu m'accompagner, mais Louis s'y opposa formellement. Quant à moi, je déclarai que j'irais seul jeter un coup d'œil sur la maison. La ferme se trouvait en amont de Pina, trop loin pour faire passer la fille par le gué. Le trajet était trop long, une bonne heure de marche, et nous risquions d'être interceptés par une patrouille ennemie. On opta alors pour passer en bateau. De plus, après avoir embarqué la petite, je devais pousser une pointe jusqu'à la voie ferrée, à quelques kilomètres du fleuve. Tout se passa bien. Je camouflai mon esquif entre un buisson de ronces et un tas de fagots de sarments de vigne, puis je me glissai jusqu'au vignoble qui jouxtait la maison. Déjà le jour se levait. Les rayons de soleil éclairaient les toits des bâtiments. On avait rallumé le feu, car un filet de fumée montait vers le ciel. Couché au milieu des pousses sauvages d'un figuier, qui me cachait complètement de ses branches aux larges feuilles, je me posais les questions qui restaient sans réponse. Qui habitait cette maison? Était-ce Conchita, ou quelque fugitif? Peut-être des fascistes qui nous tendaient un piège? Nom de nom de putain d'Adèle, ils n'ont donc besoin de rien là-dedans? Pourraient sortir pour pisser, si ce sont des hommes, ou venir chercher du bois, de l'eau au puits? Enfin, qu'il ou qu'elle se fasse voir? Je continuais mon soliloque pour ne pas trop réfléchir à ma situation, car je n'étais pas, mais alors pas du tout rassuré. Si personne ne sort d'ici 5 minutes, c'est moi qui vais rentrer. Ça faisait déjà 3 fois que je me donnais 5 minutes pour quitter mon abri, sans arriver à me décider, car la crainte de tomber dans un traquenard me tenait. Pourtant, je ne pouvais pas rester encore longtemps sans rien faire. Il fallait que je prenne une décision. Je me dressai, toujours à l'abri de feuillages, sans perdre de vue la porte de la maison. Enfin, elle s'ouvrit. Une fille de petite taille s'avança vers moi. Elle s'arrêta devant les ceps les plus proches de la maison et cueillit une grappe de raisin. C'était bien Conchita, la sœur de Manuel. Au moment même où je commençais à écarter les branches de ma cachette, une voix cria « Niño, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je sentis mon sang se glacer et la sueur perler sur mon front. Lentement, je glissai de nouveau par terre. Merde, il manquait plus que ça. Je n'avais pas vu arriver les 5 soldats qui se tenaient maintenant au coin de la bâtisse, les fusils pointés, prêts à tirer. Ne pouvant pas faire autre chose, j'écoutais. Celui qui paraissait le chef répéta la question. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis chez moi. »« Combien êtes-vous ici ?»« Je suis seul. » »« Où sont les autres ? Il faut quitter cette maison. Les rouges pourraient venir et vous massacrer. Il n'y a vraiment personne ?»« Non, monsieur. » Le type donna un ordre. Les hommes partirent fouiller les dépendances. La gosse et le chef rentrèrent. J'avais retrouvé mon sang-froid. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'ils partent. Je repris mon soliloque. Allait-il partir en emmenant la fille? Dans ce cas, je devais trouver le moyen de me débarrasser des 5 hommes. Comment? J'en savais rien. J'aviserais le moment voulu. Pendant que je réfléchissais, je vis les soldats rentrer, une fois leur mission accomplie, dans le bâtiment principal où se trouvait déjà le chef de la patrouille et Conchita. Un long moment passa, puis la petite sortit, accompagnée par un militaire. Elle avait à la main 2 cruchons. Ils allaient chercher du vin au cellier. La gosse n'avait pas froid aux yeux. Trouvant la maison déserte, elle avait dû penser que ses parents et son frère avaient passé le fleuve pour rejoindre les républicains. Enfin, ils sortirent tous. J'entendis celui qui donnait des ordres dire « Alors, on est d'accord. Tu prépares tes paquets et cet après-midi, on vient te chercher. On met tout dans la charrette et tu viens à Quinto avec nous. » Je craignais qu'il ne dise à un de ses hommes de rester à la ferme. Mais il n'en fut rien. Et tous partirent de bon pied à leur base. J'attendis qu'ils disparaissent complètement. Puis je m'approchai de la ferme, en me glissant entre les pieds de vigne. Entre-temps, la petite était allée chercher de l'eau au puits. J'étais derrière elle et je lui dis « Conchita, ta mère m'envoie te chercher. » Saisie, elle fit demi-tour et me voyant torse nu, une barbe de 3 jours, 2 grenades accrochées à la ceinture, le pistolet à la main, elle laissa choir le seau qu'elle portait. « Tais-toi, ton frère Manuel et ta mère m'ont envoyé te chercher. » Elle se remit vite de sa frayeur et dit « Il ne faut pas rester ici. Venez, rentrons. » Une fois à l'intérieur, elle m'assaillit de questions sur ses parents, sur son frère et sur les gens qu'elle connaissait à Pina. Après avoir répondu comme je pouvais à ce déluge de paroles, elle me dit que les soldats allaient revenir avec une charrette pour déménager la maison et tout emporter à Quinto. Il n'y avait qu'une chose à faire. Partir, traverser l'Ebre avant qu'ils arrivent, car ensuite les berges pouvaient devenir dangereuses. Moins d'une demi-heure après, je poussai la barque dans le courant, avec Conchita à bord. La première partie de ma mission était accomplie. Il ne me restait plus qu'à reconnaître l'itinéraire, du fleuve au chemin de fer. Ce que je fis sans rencontrer âme qui vive. C'était une vraie promenade, avec des pauses au pied des arbres fruitiers, qui me permettaient de calmer ma fringale, en satisfaisant ma gourmandise. Du haut de ces arbres, je scrutais le paysage, à la recherche d'une présence inopportune. Au retour, l'idée me vint de laisser dans la ferme, comme souvenir, les 2 grenades que je portais. La fille n'y étant plus, les soldats auraient été très déçus de ne rien trouver. Je calai la première grenade derrière la porte. Après l'avoir dégoupillée, je bloquai la cuillère avec une cafetière. Pour sortir, j'enjambai la fenêtre. Je mis la deuxième dans un trou, à côté d'une barrique, perçant la cuillère et en la maintenant par un broc à moitié plein de vin. C'est juste après avoir fini mon petit travail que j'entendis les cris des charretiers loin derrière la maison. Ils étaient déjà là. Je partis en bondissant par-dessus les vignes pour aller m'aplatir près du figuier. Ils étaient 8 sur la charrette, tirés par une paire de mulets. Et ils criaient Niña ! Mujer ! Guapa ! 5 d'entre eux s'enfuirent en courant et rentrèrent en coup de vent dans la maison. Une explosion, suivi ensuite d'un bruit de carreaux cassés et de cris. Un homme sortit en titubant, les mains sur le ventre et le visage ruisselant de sang. Fit quelques pas, tomba. Les mulets épouvantés partirent au galop. Les 3 hommes restés dehors s'étaient cachés dans la vigne. Mon piège avait bien fonctionné. Pendant 5 ou 6 minutes, rien ne bougea. Seul le blessé gémissait. Et de temps en temps appelait. Madre. Oh, madre. Un d'entre eux se leva et s'approcha du blessé, lui parla, décrocha sa gourde et après l'avoir agitée, la remit à la ceinture. Elle devait être vide. Les 2 autres s'étaient dressés et regardaient leurs camarades qui leur demandaient d'aller chercher à boire. Un des soldats se dirigea vers le cellier, dont la porte grande ouverte laissait voir les barriques. Il hésita à franchir le seuil. Moi, je ne le quittais pas des yeux. Après avoir bien regardé, il entra et ressortit au bout de quelques minutes, la gourde collée à sa bouche. Le salaud l'avait rempli au robinet. Entre-temps, le blessé était mort. En reportant mes regards sur lui, je vis un de ses compagnons passer la main sur ses yeux, puis se lever et se diriger vers la maison. Il en sortit presque immédiatement. Parla à ses collègues, et après avoir fait circuler la gourde, 2 partirent. Le 3e, l'arme au pied, s'appuya au mur. J'avais l'impression qu'il me voyait, qu'il m'épiait. J'aurais pu partir, m'éloigner en glissant à plat ventre vers la rive et rejoindre le fleuve, mais la curiosité me clouait au sol. Qu'allait-il se passer? Rentrerait-il dans le cellier de nouveau? Les autres étaient-ils allés chercher du renfort? Non, ils revenaient, conduisant par la bride les mulets qu'ils attachèrent à un de ces anneaux scellés à cet effet dans le mur des granges et des étables. Je compris à leurs gestes, ils parlaient trop bas pour que je puisse entendre leurs paroles, que la charrette avait versé non loin de là. Ils devaient avoir soif, car après avoir éclusé la gourde de celui qui avait fait le plein, ils rentrèrent tous les 3 dans le cellier. Ils n'avaient aucune raison de se méfier. Un avait déjà tiré du vin et il ne s'était rien passé. Pour moi, recommença le suspense. Qu'allait-il se passer? Un cri éclata. Cuidado! Je vis un homme bondir de la porte, tomber, se relever et s'enfuir. Une explosion. Un deuxième corps vint s'écraser par terre. Les bêtes se cabraient et tiraient sur leur longe pour se libérer, folles de peur. Le survivant courait à toutes jambes en direction de Saragosse, complètement affolé. Je n'eus pas le courage d'aller voir. Je n'avais qu'une hâte, partir. Une fois arrivé sur la rive, que mon regard aperçut de l'autre côté du fleuve les maisons de Pina, je fus saisi d'un tremblement qui me secouait de la tête aux pieds. Mes dents craquaient comme des castagnettes. La peur. Oui, la peur rétrospective, certes, mais la peur quand même. Je n'avais plus qu'une idée. Pas célèbre. Me retrouver parmi les miens, m'asseoir dans la cuisine de la madre, les pieds sous la table. Et je continuais à trembler. Je n'ai jamais pu m'expliquer cela. J'ai eu par la suite d'autres moments critiques, où j'étais vraiment en danger, face à face avec l'adversaire. Mes réflexes sont alors toujours parfaitement joués. Et après les périls passés, une fois en sécurité, ce même tremblement me prenait et me secouait, comme un prunier. Ce n'était pas l'homme civilisé qui raisonnait, évaluait le danger, organisait la parade et l'attaque. C'était l'animal, en qui l'instinct de conservation ressuscitait la sûreté du geste, l'acuité de l'homme primitif qui veut survivre. Pour cela, doit tuer. Une heure après, le jour déclinait et j'échouais à une centaine de mètres du gué. J'avais traversé l'Èbre sur quatre fagots de sarment que j'avais attachés avec la corde qui ne quittait jamais ma ceinture et dont je servais pour m'assurer sur les hautes branches des arbres pendant mes tours de garde. De Pina, on avait entendu le bruit des grenades, mais pas de coup de feu. Et on se demandait ce qui pouvait bien m'être arrivé. On me croyait mort ou prisonnier, ce qui revenait au même. Berthomieu me dit qu'entre la dernière explosion et le moment où la vigie, du haut du clocher, me vit apparaître sur la rive, il s'était passé plus d'une heure et demie. Le temps m'avait semblé à moi beaucoup plus court. Des amis, villageois et miliciens, femmes et enfants, s'étaient échelonnés tout le long du rivage pour me harponner au passage. Mon radeau n'avait pas encore touché à la terre que l'on me saisit, m'emporta pendant que des gens couraient, s'agglutinaient autour de nous, jusqu'à nous empêcher de marcher. Enfin, on me posa au pied d'un arbre, et l'on commença à me poser des questions. Heureusement, la madre arriva, fendit la foule, me serra dans ses bras en sanglotant. Hijo mio, dejadlo, no ven que está cansado. À la maison, la madre me lava dans un grand baquet, me coucha comme un enfant. Et je m'endormis dans cette chambre, qui fut la mienne pendant tout le temps où je vécus à Pina. Le lendemain, je me réveillais assez tard. Augusta attendait mon réveil. Louis l'avait chargé de se rendre compte de mon état et de me demander si je pouvais aller l'informer de ce que j'avais vu pendant mon exploration. Augusta avait 22 ou 23 ans. Ses parents étaient emprisonnés dans un camp et avaient fui l'Allemagne pour se réfugier en France. Mais devant l'impossibilité de poursuivre ses études de médecine et ne trouvant pas de travail, elle était venue en Espagne. Sportive. Avec un corps digne de servir de modèle à un Michel-Ange ou un Cellini. Elle faisait le malheur de toute la gente mâle de Pina. Je dis malheur car elle semblait faite d'une glace d'un tel degré de froidure qu'aucune flamme humaine ne paraissait pouvoir la réchauffer. Pourtant elle était gentille, toujours souriante, prête à rendre service en toute occasion. C'est-à-dire aussi bien faire une reprise à un pantalon déchiré que préparer un repas en pleine campagne avec des moyens de fortune. Dans la maison du PC, je trouvais réunie la famille de Conchita au complet et deux copains qui venaient d'arriver et discutaient avec Louis. L'un était russe, Staradov Alexandre, nous devions devenir bons copains par la suite. L'autre était français, Georges, un Parisien. La mère de Conchita se précipita sur moi pour m'embrasser et me remercier. La fille ne me reconnut pas et regardait stupéfaite ces démonstrations d'amitié. Ce fut le frère qui lui demanda ce qu'elle avait pour rester là sans faire un geste. Elle comprit alors que l'individu hirsute, torse nu, le visage dur mangé par la barbe et le jeune homme rasé de près, habillé d'une chemise et d'un pantalon bien repassé, étaient une seule et même personne. Elle ne sut que dire « Ah, c'était vous ?» Tout le monde se mit à rire. Après avoir mis au courant Berthomieu et les autres de mes faits et gestes à partir du moment où Conchita m'avait quitté, on s'en fut tous fêter le retour de la fillette. Il existe quelques rares autres témoignages sur le groupe international de la colonne de Ruti. Charles Ridel, Charles Carpentier et Simone Veil, cités par Jiménez, ont fait connaître leur expérience sur le front à leur retour en France. Le premier, membre de l'Union anarchiste, envoyait déjà d'Espagne des articles aux libertaires. En août 1936, un comité pour l'Espagne libre se constitue avec Louis Lecoing comme permanent, et ce n'est pas le moindre des paradoxes que de voir fleurir à Paris des affiches exigeant des armes, des canons, des avions pour l'Espagne, de la part des militants pacifistes de toujours. Comme ce Scolari que cite Jiménez, beaucoup d'autres volontaires sur le front ou engagés en France ne supportent pas de voir tant de camarades sacrifiés dans une lutte inégale et aide au combat militaire. Meetings et expositions se succèdent et depuis août, chaque semaine, des camions partent de Paris pour Barcelone, pleines de vivres, de vêtements, mais surtout d'armes et de munitions, que des douaniers complices laissent passer. Mais cela est largement insuffisant dans une guerre de classe où Franco se déclare prêt à fusiller la moitié de l'Espagne pour rétablir l'ordre. Le 4 septembre, avec la chute d'Irun, où les miliciens se sont battus avec des revolvers, le ton monte à l'égard de Blum dans une adresse de l'anarchiste André Prudhomo, diffusée dans la presse et à la radio. Merci, monsieur Blum, pour le savant cours de droit international que vous avez donné du haut de la tribune de Luna Park. Le 6 septembre, Blum a tenté de justifier publiquement sa politique de l'intervention. Nous vous prions de bien garder en mémoire ce petit discours pour pouvoir le servir aux hommes de main du fascisme français le jour où ils viendront vous chercher à domicile. Triste prémonition, quand on sait que Léon Blum fut livré par Vichy aux nazis en 1940. En s'emparant d'Irun, les factieux se sont assurés de la possession d'une des voies d'accès par laquelle le capitalisme français pourra, sous couvert de votre neutralité, les ravitailler en obus, en gaz asphyxiant et en torpilles aériennes. Il est grand temps que les ouvriers français qui fabriquent ce matériel de guerre sous votre contrôle fassent savoir pour qui ils entendent travailler, puisque vous-même semblez n'avoir pas d'opinion en la matière. Laissez-les contrôler la production, la vente et le transport des munitions en liaison étroite avec leurs frères d'Espagne. Et ne vous occupez pas du reste!